Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Zitosta shayandr korakaoma autosoba tosoba et harasukli chizu voyama. Zitosta shayandr korakaoma autosoba tosoba et harasukli chizu voyama. Prenez. Wachley. Wachley. Donnez-moi les lunettes. Mata ainake rakre. Mata ainake rakre. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Pencil de pocket psal cake day. Pencil de pocket psal cake day. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. گیلاس چپک ری او وروستا قیچی واخری. گیلاس چپک ری او وروستا قیچی واخری.